quartier fédéral. Les rituels, mandarias. On est allé, on y restera. Hey, les jours passent et se ressemblent. Je me fous qu'ils pensent qu'on taffe ne serait sans. Pensant à mieux, quoi de neuf et je l'en. Vite d'entendre mon biser sur le cliff. D'un bout à l'autre, j'ai mis sur cette passerelle 16 ans. Ce que l'on faisait saliver de mauvaise langue. Les mêmes bancs, c'est pas j'oserais chant. T'es le son du 9-4, peu racailleuse la clique. Ouais, mais sur ton compte une de classe, si y'a. À ta grande gueule, tranquille, si t'es cool, ça laisse. Si t'as un fâche, faut savoir prendre face au réel, c'est devant. Mon gars, je te caisse tant. Foute l'esprit, paraît que tout est dit, ça part d'une vague de charge, il paraît que c'est dense. Pour ces histoires, faudrait bien plus d'une fois de séquence. Ensuite, personne ne souhaite de séparer. Ces gens excellents, tout comme le rap sont les vrais. Donc pour le peu qu'on monopolise, on voit clairement que ton mouvement hip hop suit la mode aux folies. Je me marre et m'arrêterai quand ils seront changés de fréquence. Faut qu'on y voit même les étranges. Et tes gens prends pas mal si tu vois le danger se répandre. On est de ce parti de rien avec nos 3-4 têtes de blanc. Toucher des gens plus d'un, cela sans perdre de temps. Fais-moi confiance, c'est le rituel. Les nuls on devance, y'a trop de rimes tueuses. Ceux qui ont pas de buzz, très peu de soutien. Mais l'œil d'une buse, voix mélodieuse. On est de ceux qui ont du talent, mais celui que personne ne repère. Un putain de mal de crâne, sauf qu'il n'y a pas de neurophène. Pour revenir au fait, non pas là pour nuire en fait. Ce venu en paix, ce sur qui on tire un trait. On est de ceux qui sont dépassés des événements. T'as vu les cuissons, MST c'est venimeux. La vie c'est dur comme être papa d'une tata. C'est à taille, on arrache, le crois pas c'est pas grave. Brasse, brasse, l'arrache sur une page et crois-moi. La victoire j'embrasse, mon courage sans jouer des chromas. Comme dit Asias, le prends pas mal. Je remettais le cran de malade pendant que tu te pâmes devant ton écran plasma. La vie je l'ai gagnée, pas d'intérêt sur l'emprunt. Sans crainte, j'ai craint traîner, surtout pas mes emprunts. Haineux, on finit par les par milliers. Faut que t'arrêtes la bière et tu t'apprêtes à prier. Mon rap sort pas d'un meeting d'Alec Laguillé. Mystique sans ma bif et les sirènes se mettent à crier. Mon kiff c'est le bif chef, pas le papier habillé. Je vais faire taffer ta billage, des claquettes au pied. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je vise la lune, brise la nuit de tous ces fils de pute. Sors pas ton mic cousin, on le bousille comme le KF. Rappeur à l'ancienne comme l'époque de Jor KF. Sur le projet des feats, on n'en aura pas ta Pékin. Derrière nos mics, y'a du niveau, pas comme les Français à Pékin. Je le dis, y'a que des vrais gars, y'a que des bons crews. Je marche sans écouter ceux qui disent qu'on creuse pas le bon trou. Quartier fédéral, ça paiera, c'est pas pérable. Je suis pas pressé de savoir si notre race se palpera. Sur un deux roues, sans guidon, on trace sans l'aide de quiconque. Bien sûr, certains trouveront sa chum comme un nom qui tombe. On gâche pas la prod comme une qui se consume jusqu'au fil. Ça te surprend comme de savoir dans le 9-1 y'a un Kofi. Avant de parler, écoute ceci. Moi je reste sincère, écoute ce 16. Pour ceux qui parlent et qui m'offensent, tous les refrains, je passe le salam. Pour nous la poisse devenue refrain. Victime en France, je suis pas de ceux-là. Ma team en fraude, je vois mes potes saoulés. Époque salie, business et fric et tout salive. Regarde ma tête, c'était le matin que les spliffs s'allument. Fuir nos sales rêves, car je vois le chétan sortir salam. Encore le rituel, fit stratagème. Des viragés et dérangeants. J'ai de côté les beaux parleurs. Boy, écouté par mes présences, j'suis l'homme t'inquiète, t'entends ma voix dans l'eau-parleur. J'pars au combat sans faux semblant pour mes semblables. Et le rap game, je le kick au visage comme Cantona. SMKS, l'équipe ambitieuse, incontournable. SMKS ambitieuse, incontournable. Sometimes I feel a little confused. Ask myself questions. A lot goes through my brain. My mind is like a GPS, it keeps on changing directions. I can act up and feel weak. Laugh with a big smile, when in fact I just want to leap. This world is harsh, too many unknown capacities. I don't speak or act, I live life like a box around. I won't stop fighting till I'm on the ground. Time goes fast, so I look forward without ignoring the past. Manga wants to touch the sky with class. I live life like a box around. I won't stop fighting till I'm on the ground. On a tant de problèmes, difficile de les résoudre. On attend quand même la bonne ficelle en retour. Pareil que la roue tourne, j'vois rien de beau aux alentours. Y'a plus d'un vautour, pourtant présent les beaux discours. Moi et mes gars on en discute, pareil qu'ils nous discutent. Depuis petit j'quoite le discours. Avenir est maussade, comme pour un jeune émancipé. Et pour agir le jour, être courageux. Les mots sales et l'émotion, c'est le mental à dissiper. Allez, on note ça, on a la rue comme tortionnaire. Vois pas l'avenir comme manutentionnaire. Le destin qui peine comme l'écriture. Microclimat, fixe stratagème. Et l'air est pur. Écoute ça, c'est microclimat, connexion KF. On met play pour faire plaise à l'oreille comme une caresse. Y'a pas de stress, car on a la mentalité open. Pas là pour faire du buzz, comme une pute au burn. Toujours des hématomes qu'on noie dans des logiciels. Pour faire en sorte que les frissons dans les logines et logiles. Pour partager la bière avec mes gars, c'est impeccable. Et j'aime ça quand je fais monter le dos des gamas. Comme des gravants, on débarrasse quand t'écouteras ce son de malade inséparable. On restera du micro et de l'instru qui froisse. Équipe numéro 1 sur le podium des Jeux Olympiques. On t'avait prévenu connu le combat des joutes olympiques. C'est peut-être le premier, mais ça sera pas le dernier pas. On abat la bonne carte pour croquer papy Brossard. Y'a pas de faussaires ou faux airs, que de la joie et des fossettes. Des Polacs, des Renois, des Robeux et des Français. Que les fans tiennent bien, grande ouverte leurs écoutilles. C'est du rap, c'est franc, mixé avec un peu de génie. Un peu gêné devant le chromie, excusez-moi si je gémis. Moi le taureau, toi la génie, c'est tu sais que c'est dans le rap qu'on mise.